Let's see right that. Riders, rider pour le ranger. Mais on sait jamais, dit si demain ça peut changer. Aller même jusqu'à Montpellier chercher des tasses sur la plage de Palavas. Et finir en soirée avec des pillages déshabillés. Contacter ma vie de large, c'est à mouiller. Le lendemain, de façon, je prends mon billet pour Lyon en direction sur Jamin, là où je rejoins ma cousine. Oui, ça paye pas de mine de se mettre une grosse mine. On a la peine arrivé, je sens déjà ma tête s'évader. Bref, le lendemain, j'aurais bien fait un break. Mais Bellec, dans ma tête, c'est encore trop la fête. La West d'hier, dans ma tête, reste. Taïa, chope ton pied pour Ripa. Non, ne ris pas, j'ai aussi décidé d'aller rider là-bas. Donc, sur un son funk, j'attrape la skunk. Direction Festival G-Funk. Je suis parti rejoindre mes homies. J'espère qu'il y aura aussi de bonnes et jolies filles s'il va. Parce que dans mon état, je peux pas me mettre à tchétcha. Je peux que ingurgiter ça. Ma taille d'Havana, toujours sur moi. Dans ma poche, gars, ou ma main droite. Putain d'ambiance G-Funk, mais putain que j'ai faim. Alors je rejoins Sama, il me dit que ça va. Mais comme moi il est trop fracas, ça se voit, on est dans le même état. Et de ce pas on s'en va, assez vite, d'un air pas très vif. Mais ne me demandez pas de vous raconter la suite, vu ce que j'ingurgite, ça va pas être possible. Juste me souviens du matin, me réveiller dans le train, la tête super loin. Je m'attends à droite et je vois que ça m'a fait comme moi. Et quand je chabote autour de moi, je vois qu'on est à Nantes, à midi tapant, tandis qu'il charpente avec un état critique et trans. D'un coup jusque chez Guy, je retire mon yébi, direction Angers City. Ça y est, rail terminé, arrivé à Angers-Saint-Lô. Tout le monde mate sur mon front comme s'il y avait marqué Angers-Saint-Lô. T'es fou, je m'en fous, tout ce que je veux c'est me chez coup. Et rouler un gros custy avant de sauter dans mon lit. Voilà comment je définis la rail d'aujourd'hui. Qu'il fasse jour ou nuit, que ce soit du rhum ou du whisky. Je m'en fiche du moment qu'il y ait des bitches que je puisse prendre dans mes bras, l'emmener avec moi, visiter sous mes draps. Tu sais comment ça se passe. C'est comme ça encore ce soir chez Chidraga. Ouais. Toujours là avec le style Westside. Westside. Haha. Pour le 49 Nights. Ça se passe la night.